Chapitre 23. Les bonbons carrés qui ont l'air d'être ronds. Tout le monde s'arrêta devant la porte dont le haut était de verre. Grand-papa Joe souleva Charlie pour lui permettre de voir l'intérieur de la salle. Charlie y vit une longue table et, sur cette table, des rangées et des rangées de petits bonbons blancs en forme de cube. Ces bonbons ressemblaient beaucoup à des morceaux de sucre, mais chacun d'eux avait sur l'un de ses six côtés une drôle de petite figure peinte en rose. À l'autre bout de la table, quelques Oompa Loompa s'appliquaient à peindre d'autres figures sur d'autres bonbons. « Voilà !» cria M. Wonka. « Les bonbons carrés à l'aspect rond !»« Je ne les vois pas ronds !» dit Mike TV. « Ils ont l'air carrés !» dit Veruca Salt. « Complètement carrés !»« Mais ils sont carrés !» dit M. Wonka. « Je n'ai jamais dit le contraire !»« Vous disiez qu'ils étaient ronds !» dit Veruca Salt. « Je n'ai jamais dit ça !» dit M. Wonka. J'ai dit qu'ils avaient l'air d'être ronds. Mais ils n'ont pas l'air d'être ronds, dit Veruca Salt. Ils ont l'air carrés. Ils ont l'air ronds, insista M. Wonka. Ils n'ont pas l'air ronds du tout, c'est sûr, cria Veruca Salt. Veruca, ma chérie, dit Madame Salt, ne fais pas attention à ce que dit M. Wonka. Il te ment. Pauvre vieille toupie, dit M. Wonka. Tu peux causer. Comment osez-vous me parler sur ce ton ? Hurla Madame Salt. « Silence !» dit Monsieur Wonka. « Et regardez bien !» Il sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte. La porte bâilla, et soudain, au son du bâillement de la porte, les innombrables petits bonbons carrés qui s'entassaient sur la table apparurent ronds aux spectateurs. Les petits visages se tournaient littéralement vers la porte, les yeux posés sur Monsieur Wonka. « Et voilà » cria-t-il triomphalement. « Ils ont l'air d'être ronds, c'est indiscutable. Ce sont des bonbons carrés à l'aspect rond. Sapristi, il a raison, dit grand-papa Joe. Allez, en route, dit M. Wonka. En route, pas une minute à perdre. Whisky au beurre et gin au beurre, disait l'écriteau sur la porte suivante. Voilà qui me paraît bien plus intéressant, dit M. Salt, le père de Veruca. Magnifique, dit M. Wonka. Tous les Oompa Loompa en raffolent. Ça leur monte à la tête. Ils font la noce. Des cris joyeux, des rires et des bribes de chansons parvenaient aux visiteurs par la porte close. « Ils boivent comme des trous !» dit M. Wonka. « Ce qu'ils préfèrent, c'est le scotch au beurre et au soda. Mais le gin tonic au beurre est très populaire aussi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous ne devrions pas nous arrêter partout. » Il tourna à gauche, il tourna à droite. Puis ils arrivèrent devant une grande volée d'escaliers. M. Wonka descendit sur la rampe. Les trois enfants l'imitèrent. Madame Salt et Madame TV, les seules femmes restées en course, était complètement essoufflée. Madame Salt était une énorme créature avec de toutes petites jambes. Elle soufflait comme un rhinocéros. « Par ici !» cria M. Wonka, arrivé au pied de l'escalier. Il tourna à gauche. « Courez-moi vite !» haleta Madame Salt. « Impossible !» dit M. Wonka. « Nous n'arriverons pas à l'heure si nous allons moins vite. »« Arrivez où ?» demanda Veruca Salt. « Ne t'inquiète pas !» dit M. Wonka. « Tu verras bien !»